cousin Elvis. I try. Forget the past, the future, the right. baby, just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over and love me, you know. Let's work on the depression. Let's just say I do. When you know you are me, I know I will have you. Don't be cruel to the end, that's true. I'm sorry. No, we'll get through. Non, mais Bluesman, c'était juste pour me faire plaisir. Oh yeah. Non non mais vas-y joue. Et on te suit. Par contre, cale bien sur le tempo. Je sais pas ce que tu veux muter. Tu veux de la batterie ? Faut pas que tu mutes le tempo parce que le métronome, surtout pas. Si tu le mutes, on peut pas jouer avec toi. Voilà. C'est bon. 100. D'accord. Ah bah c'est bon, c'est déjà fait. Georgia, you sing? Georgia, the old gate, the old sweet song keeps Georgia on my mind. Attends, on va mettre de la batterie parce que sinon on va pas y arriver, je crois. Bon. Parce que là on est à 100. Attends, je la recale, excuse-moi, elle est pas calée. Je vais la caler. Thank you. c'est un truc genre. Thank you. Vas-y, Dirty, mets de la batterie, putain, vous êtes un peu casse-couille là. Vous enculez un peu les moufs, comme on dit, comme dirait mon copain. T'enculez un peu les moufs. Vas-y, Dirty, mets ta batterie. Déjà qu'on avait réussi à le tempo. Trop de mesures là. Putain, combien il en faut là ?